trouver plus beau sur terre qu'un petit enfant, joyeux et innocent. Peut-on trouver plus beau sur terre que le sourire d'une maman? L'on devrait trouver tant de belles choses. Beaucoup de personnes devraient avoir en soi une dose d'intelligence, de bonté, de sagesse et un peu d'amour à partager. Douce et majestueuse, toujours attentionnée, soucieuse ou joyeuse, quand un petit est né, n'est-ce pas toi, maman, la source de la vie, source pure et limpide, qui jamais ne trahit? L'on devrait trouver tant de belles choses. Beaucoup de personnes devraient avoir en soi une dose d'intelligence, de bonté, de sagesse et un peu d'amour à partager. Peut-on trouver plus beau que le chant des oiseaux d'un jour ensoleillé, d'un beau mois de mai, de voir des tourtereaux faisant leur nid douillet, des enfants s'amusant, riant à pleines dents? L'on devrait trouver tant de belles choses. Beaucoup de personnes devraient avoir en soi une dose d'intelligence, de bonté, de sagesse et un peu d'amour à partager. Peut-on trouver plus beau que des couples qui s'aiment joie et bonheur tout autour d'eux? Peut-on trouver plus beau que l'amour et la paix, de pouvoir se parler sans ne jamais s'irriter? L'on devrait trouver tant de belles choses. Beaucoup de personnes devraient avoir en soi une dose d'intelligence, de bonté, de sagesse et un peu d'amour à partager. Peut-on trouver tout de beau sur terre? La question est posée, pouvez-vous y répondre? Peut-on trouver tout de beau sur terre? Voyant la réalité, permettez-moi d'en douter.